Tu t'en vas ? Je m'en vais. Tu reviens quand ? Ne m'attends pas. Mais tu reviens ? Mais oui, je reviens. Tu reviens quand ? Demain. Seulement demain ? Seulement demain.